historia. Es la historia de un hombre que pasa por el viraje de los Stromfos. Con el Stromf cuisinero, con Stromf Arunetas y con Gargamel. ¡Astrofera, astrofera! ¿Qué pasa por la cara? ¡Es el canal, es el canal, es el Gargamel! Merde, faut tout tromper soi-même dans cette maison, ça m'énerve à la fin. Qui c'est qui va se tromper l'escabeau? C'est Bibi. Qui c'est qui monte sur l'escabeau? C'est Bibi. Qui c'est qui se trompe la vieille ampoule parce qu'elle a cramé? C'est Bibi. Qui c'est qui remet une nouvelle?